On est de retour dans l'émission Le Réveil à Passion FM avec nous, notre nouveau collaborateur, Luc Desormeaux. Salut Luc! Salut Jean-Benoît! Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ah oui, moi, je connais Luc depuis déjà un bon bout de temps. Je l'avais comme collaborateur sur les ondes de CILE sur la Côte-Nord. Et là, bon, on amène ça ici à Passion FM parce que je pense que le contenu est intéressant. Luc, parle-nous un petit peu, toi, tu vas faire des chroniques automobiles. Parle-nous un petit peu de la façon que tu veux procéder pour ces capsules-là. Ben, moi, je suis vraiment un passionné d'automobile. Je ne suis pas un journaliste automobile en tant que tel. Ben, je suis un gars qui suit l'actualité automobile, qui a aussi accès à des voitures pour faire des essais routiers. Donc, dans les capsules, ce qu'on va faire, c'est que certaines semaines, on va parler de l'actualité automobile, ce qui se passe dans le merveilleux monde de l'automobile, soit canadien, américain et parfois européen. Des fois, il y a des choses intéressantes en Europe aussi, dont on n'entend pas beaucoup parler ici. Et puis, on va aussi avoir au courant de l'année des essais routiers, comme celle qu'on va parler cette semaine. Et j'en ai une autre aussi pour la semaine prochaine. On va essayer de rendre ça intéressant pour les gens. On va essayer aussi de voir si les gens ont des questions. Je vais donner une adresse courriel s'ils veulent m'écrire. Puis on va essayer d'avoir du plaisir à faire ça. Yes. Tu dis que tu n'es pas un chroniqueur automobile en tant que tel, mais tu as quand même été invité dans certains événements par des constructeurs. Donc, Il y a des oreilles qui écoutent. Oui, il y a Ford qui est un des premiers constructeurs qui a appuyé mon désir de devenir, bon, entre guillemets, chroniqueur automobile. Donc, ils m'ont invité au mois de janvier au Salon de l'Auto de Détroit dans le cadre d'un événement qu'ils faisaient là-bas pour bon, c'est pas nécessairement pour les journalistes, c'est plus pour les blogueurs et choses comme ça. Donc, on a été invité à visiter plusieurs choses que Ford fait à Détroit, et on a terminé ça au Salon de l'Auto de Détroit dans une conférence de presse. Ça a été très intéressant. C'est Ford qui nous invitait, qui payait. Il y avait des blogueurs là, de partout dans le monde. J'ai rencontré des gens d'Espagne, d'Australie, tout ça. Donc, c'était vraiment un événement bien, bien intéressant. Parlons donc de ton test de cette semaine. Tu as eu, mis la main sur la Hyundai Veloster qu'on voit de plus en plus sur les routes du Québec. Oui, c'est une voiture qui commence à prendre un peu sa place. Donc, la Hyundai Veloster, c'est quoi? Mais c'est un petit coupé sport à haillons qu'on peut appeler un hatchback là, communément. Sa particularité, c'est d'avoir une troisième porte qui est située du côté passager. C'est rare pour les voitures sport. Normalement, c'est un deux portes. C'est assez compliqué. Si on veut avoir des passagers à l'arrière, là, c'est pas nécessairement facile de les embarquer. Et souvent, c'est pas nécessairement très confortable non plus un coup rendu là. Ce que Hyundai a fait avec la Veloster, ça s'est vu sur d'autres produits. Ça s'est vu sur la Mazda RX-8. Ça s'est vu aussi, il y avait un modèle de Saturn qui avait ça, une troisième porte, qui ouvrait dans le sens contraire des portes régulières. Ce qu'on appelle communément une porte suicide. Là. On ouvre la porte et l'autre porte s'ouvre vraiment dans le sens contraire de la porte du passager avant. Ce que Hyundai a fait, on met une vraie porte à l'arrière. La poignée est vraiment cachée vers le haut. Donc, quand on regarde la voiture de loin, ça ressemble à vraiment à deux portes, mais il y a une troisième porte. Et c'est très pratique, moi, qui ai un petit garçon de 7 ans, toute la semaine, quand on avait à aller faire des commissions ou aller se promener, j'ouvrais la porte. Le petit était capable d'embarquer tout seul dans son banc d'auto. C'est vraiment quelque chose de pratique. Fait que quelqu'un qui cherche une petite voiture sport pratique, ben la Hyundai Veloster, c'est vraiment un des bons choix qu'on peut faire. Et pour ce qui est de la tenue de route, des performances de la voiture, ça ressemble à quoi? Est-ce que le look est garant des performances? Écoute, ça dépend du modèle qu'on va aller chercher, et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on veut avoir comme performance. Comme voiture de tous les jours, on peut facilement aller avec il y a deux moteurs de disponibles. Il y a finalement un moteur de disponible, mais il y a une version turbo de ce moteur-là. Si on va avec le modèle de base, là, c'est un 4 cylindres 1.6 litres qui développe 138 chevaux puis 123 livres-pieds de couple. Donc, c'est pas un moteur qui est extrêmement puissant. C'est le même moteur qu'on retrouve dans la Hyundai Accent, mais c'est un moteur qui va faire le travail et qui va vous donner une économie d'essence qui est quand même assez intéressante. Si vous voulez avoir plus de performance, donc si vous voulez vraiment que l'allure agressive de l'auto se transmette aussi aux roues avant, vous pouvez aller chercher le modèle turbo, qui est le modèle que moi j'ai essayé la semaine passée, qui est le même moteur que 4 cylindres de 1.6 litres, mais turbo compressé. Donc, ils ont tout simplement pris le même moteur, ajouté un turbo. On a un moteur qui développe maintenant 201 chevaux et 195 livres-pieds de couple. C'est beaucoup plus intéressant à conduire. Les reprises sont bonnes. Le moteur est plus nerveux. Donc, ça vraiment, ça apporte les performances dont le look de la voiture là, nous annonce quand on la regarde. OK. Donc, ça tient la route performance versus, versus design du véhicule. Oui, oui, c'est très bien. La suspension est un peu sèche, mais c'est une voiture sport. C'est moins pire que beaucoup de voitures que j'ai déjà conduites, des voitures sport. Là, c'est quand même une suspension qui est confortable. Là, on se fait pas brasser trop. Donc, c'est quand même très bien. La performance sur la route, moi, j'ai été vraiment agréablement surpris. Je trouvais que c'est une voiture qui était confortable à conduire. Puis c'est pas quelque chose que je serais pas capable de vivre avec dans la vie de tous les jours. OK. Là. Ça ressemble à quoi en termes de technologie là, à l'intérieur pour agrémenter la conduite du conducteur? Bon, à l'intérieur, on a deux versions là, de disponibles. De gadgets et tout ça. Si on prend la version de base, c'est déjà quand même bien parce que Hyundai nous fournit quand même les sièges chauffants et le Bluetooth de série sur le Veloster. On a aussi un écran tactile qui va nous permettre de bon changer de poste de radio. Si on a un iPod, on peut connecter notre iPod dessus. L'écran tactile aussi sert pour la caméra de recul qui est standard sur toutes les Veloster. Si on prend si on veut un petit peu plus, le modèle de base, c'est pas tellement cher. Là. Si on regarde le modèle de base avec, comme je disais, le Bluetooth, l'écran pour les caméras de recul et tout ça, c'est 19 699. Ça, c'est en manuel, 21 000 si on veut le modèle automatique. Si vous voulez un petit peu plus, vous pouvez avoir le modèle avec l'ensemble tech. Manuel, c'est 23 199. Automatique, c'est bon 24 600 à peu près. Ça inclut la navigation. Puis ça inclut un toit, un magnifique, dois-je dire, toit ouvrant panoramique. Donc, ça fait vraiment un toit vitré qui peut ouvrir. C'est vraiment joli. Si vous pouvez vous le permettre, puis vous cherchez une Veloster, je vous conseille d'aller chercher au moins l'ensemble tech parce que ça fait vraiment, vraiment joli à l'intérieur. Après ça, ben on a les mêmes dans le modèle turbo qui commence à 26 249. On a la même chose que dans le modèle tech. Ça veut dire on a la navigation et tout est inclus vraiment. Il n'y a rien qu'on peut demander de plus. 26 249 manuel, 27 499 automatique. Puis on peut demander une peinture mat pour la voiture. C'est vraiment gris. C'est mat. C'est pas une voiture qui une peinture qui est lustrée. Ça demande beaucoup d'entretien. Par exemple, ça demande vraiment un entretien précis et spécial. Mais ça donne vraiment un look magnifique à cette voiture qui a vraiment l'air agressive en plus. Là. C'est quelque chose à aller voir si ça vous intéresse. On en voit de plus en plus et tant mieux, ça a l'air d'être une belle petite bagnole à conduire. Est-ce que c'est Luc Desormeaux approuve? Ah oh oui, c'est franchement Luc Desormeaux approuve, comme on peut dire. Ouais. Bon, ben parfait. Donc, c'est pour la première, c'est ce qui va faire le tour pour cette semaine. Juste peut-être nous mentionner comment on peut te rejoindre sur le web. Tu parlais d'une adresse courriel, là, si on avait des questions. Oui, si vous voulez me rejoindre, vous pouvez écrire à l'adresse courriel de mon podcast, qui est lepodcastauto@gmail.com. Vous pouvez visiter le site du podcast auto à podcastauto.ca si vous voulez voir les autres choses que je fais pour comme des essais routiers avec des vidéos, des choses comme ça. Il y a des petits changements qui s'en viennent dans l'avenir. Là, on va travailler un peu sur le site pour le rendre un peu plus agréable à visiter. La semaine prochaine, est-ce que tu vas être en mesure de nous parler d'une autre voiture? Je pense que tu as une Ford entre les mains de ce temps-là. Oui, je suis présentement assis dans mon essai routier que je vais vous parler la semaine prochaine. C'est le Ford C-Max hybride 2013, une petite voiture hybride très intéressante qui a été créée par Ford pour finalement compétitionner avec la Toyota Prius. Merci beaucoup, Luc. Merci, Jean-Benoît. Salut. Donc, c'était Luc Desormeaux pour la chronique auto sur les ondes de Passion FM. Comme vous voyez, je pense qu'on va avoir du fun avec celui-ci de semaine en semaine. Il viendra faire son tour à chaque mardi, 7h15, pour nous parler voiture. Des fois, ce sera plus actualité, des fois, ce sera plus des tests de bagnole, mais à toutes les fois, ce sera intéressant. Inquiétez-vous pas, on va avoir du fun avec celui-ci. En musique, on poursuit à Passion FM avec Mumford & Sons, I Will Wait.